Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 14. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmid din amma ba'd. Nadkhul fi dhalika al-yawm fi ad-dars ar-rabi' ashar. On rentre dans le cours 14. Ce cours lui se base sur fi'l amr, le verbe à l'impératif. Comment on prend un verbe à l'impératif? Inch'Allah que c'est important. Après qu'on ait pris Al-Mardi, après qu'on ait pris Al-Mudhali, on a pris aussi dans le Mudhali le Mustaqbel en rajoutant la lettre Sa, Sa Afrel, Sa Al-Zhab pour le futur. L'Yom notre Rufi Al-Amr, l'impératif. Taïb. Sanakran Nas Mbashara, on va lire le texte. Moi je le vais lire Inch'Allah Mekene Mudarris, Wanta Talib, Wat Tulab. كلهم. Et même quand il y a un talib qui vient comme Hichem en dessous ou Ali, tu le liras, Inch'Allah. Taïm Nabda. Man bilbab. Ma'ana, qui est à la porte? Ana talibun jadidun. Je suis un nouvel étudiant. Otrul. Masmuka. Donc là, Otrul, c'est ça, c'est un fi'l amr. Impératif qui veut dire entre. Et entre. Masmuka, quel est ton nom? Ismi Humayyuno. Donc il dit, mon nom est Humayoun. Je ne sais pas c'est quoi son équivalent en français. Humayoun. On va rester sur Humayoun. On va dire, c'est Humayoun. Kefa taktubu adal ism? Uktubu ala hadi waraka. Donc il dit, Humayoun, c'est-à-dire dernière surprise. Comment écris-tu ce nom? Écris-le sur cette feuille. Ya ustad, ha huna aqrabun. Donc tous les disent, au professeur, il y a ici un scorpion. Hauna là-bas c'est Ismishara, l'ilmeken. C'est-à-dire qu'il veut dire ici. Mais là, on s'en dirait plutôt par Ilia. Genre à côté de nous, ici, là, il y a un scorpion. Akrob, scorpion. Et Akrobun fil fosli, et Nahia. Il dit, il y a un scorpion dans la classe. Où est-il? Mais au féminin, en arabe, Akrob c'est au féminin. C'est-à-dire que c'est au féminin, donc ça on dit Hia. Undur huna ya ustad. Hia tahta maktabi Hishamin. Tu regardes ici au professeur. Il est sous le bureau de Hichem. Voilà, c'est cool. Uktulu ha yeikhwan. Tuez-le, oh les frères. Donc, uktulu. Tu dis, uktulu, c'est faire l'amr avec quoi au jama'a du verbe tuer. Qatala. Bima naqtuluha. Avec quoi nous la tuons? Il dit, uktuluha bi hiza'ika ya Hichem. Uktuluha bi hiza'ika ya Hichem. Amatat, il dit, tue-le avec ta chaussure, oh Hichem. Est-elle morte? Comme on a dit, mata, on a dit, c'est mourir. Naam, matat. On dit, oui, il est mort. Moi, j'ai dit, elle est morte, moi, avant. La phrase d'avant, parce que je suis assez sur l'arabe féminin, le akrab. Mais en fait, c'est, il est mort, en fait. Est-ce qu'il est mort? Donc, il dit, naam, il est mort. Et non, t'as dit, ah, non. Je crois que j'ai dit, elle est morte. Ah, non. Tayyib. Ijlisouya abenaï. Ikroy dersa ya Ali. Donc, il dit, asseyez-vous, ô mes fils. Ijlisou, c'est vers le am. De Jalassa et Jissou, et là c'est avec le pluriel. Ikra et ders ya Ali. Lis le texte au Ali. Donc là, Ikra, c'est le fier homme de Kara ya Karaou. Lis. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Donc Ali dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ensuite, il a lu le verset de Al-Alaq, le premier verset, pour la traduction relative approchée serait Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain d'une adhérence. Naam. Hein, Kali? Ya Ustad, hafidtu hadihi sura. Ay suratin ahfadu ba'daha? Que dit au professeur, j'ai mémorisé cette sourate. Quelle sourate donc dois-je donc mémoriser après celle-ci? Donc, Moudaris, il cool. Irfa surat ad-din. Donc, il lui dit, mémorise surat figuier. Ouais, irfa, c'est le fil âme de Hafaza Yahfizo. Yahfazo, enfin. Khouz daftarak, aada, waktub fi surat al-alaq. Donc, il dit, prends ce cahier que voici, ou ton cahier que voici, et écris dedans la surat du al-alaq. Et khouz, voyez, khouz, c'est le fi'al am de akhaza ya'khuzu. Tu dis khouz pour dire prends. Donc après il dit ya Abu Bakrin innaka na'san. Il dit Abu Bakr, tu es certes en train de t'endormir. Comment on dit na'san quand il pique du nez? Il y a un mot? Non. Badri. Tu t'endors quoi? Ouais, tu t'endors. Non. Là c'est un mot entier na'san qui veut dire piquer du nez en train de sommeil. Idhhab ila al-hammam wa ghsil wajhak. Va aux toilettes et lave ton visage. Donc, idhab, c'est fi'al amr de zahaba yadhhabu. Wa irsil, c'est rasala yarsilu. Iftah nawa fi zay Abdullah fa inna al-ghulfata muzlamatun wa al-jaw har. Donc, il dit ouvre les fenêtres, ô Abdullah. Donc, iftah, c'est fi'al amr de fata yaftahu. Iftah, ouvre. Fa inna al-ghulfata muzlamatun. Car certes, la pièce est sombre. Muzlima, enfin, je dis muzlama. Muzlima. Sombre. Wa al-jaw har. Et le temps est chaud, l'air est chaud. طيب الناس مفهوم تكس لي كونفين ان شاء الله. التمارين الاول والثاني في البيت. طيب premier exercice et le deuxième à la maison. Le deuxième aussi il se rapporte au texte. Donc comme je te l'ai dit, maintenant il va quoi? Il va montrer comment façonner un verbe à l'impératif. Donc il dit « Ikra ma yali »« Li » ce qui suit. Donc il commence par quoi? Le fi'l kataba. Vous voyez? Kataba. Kataba, à la wazn, sur quelle mesure? Fa'ala. Vous voyez? Le kef, c'est le fer. Le ta, c'est le ayn. Et le bas c'est le lem. Et au mudawalir, kataba, on dit yaktubu. À la wazn, yaf'ulu. Avec une fatha sur la deuxième lettre. Et quand c'est le sujet, c'est anta, tu dis anta taktubu. Vous voyez, on rajoute anta au début. Taktubu. Ensuite, pour le verbe à l'impératif, comment ça se passe? Le te qui est au début, tu enlèves. Taktubu, tu enlèves le T. Donc ça fait quoi maintenant? Ktubu. Comme ça, ktubu. Le problème, c'est qu'en langue arabe, il n'est pas permis de commencer par une lettre sa'akin. Tu obligé de commencer par une lettre mutharrika, qui est une voyelle, qui est une harakat. Donc là, pour que cela soit adapté, on rajoute quoi? Hamzat al-wasl, au début. Vous voyez, Hamzat al-wasl, c'est celui qui n'a pas la tête du Aïn. Le même que Alif Olem, le même que Ism, le même que Ibn, même Hamza. Donc on est obligé de mettre un Hamza à la place du Te. Et comme la troisième lettre du verbe, la deuxième lettre du verbe qui est le Te, Uktub, qui équivaut au Aïn de Fa'ala, à l'endomma, voyez. Alors ce Hamza là, il va prendre aussi une Damma. Tu veux dire Uktub. Allez, Uktub. On va pas dire Iktub ou Aktub. On va dire Uktub. Du fait que la deuxième lettre du verbe, c'est-à-dire le Aïn du fi'l, il a une Damma. Donc le Hamza, il va aussi prendre une Damma. Tous les verbes qui ont leur Moudawalir, la deuxième lettre c'est une Damma, et bien au fil Am, le Hamza aussi va commencer par une Damma. Comme les verbes qui vont arriver après. Donc ça fait quoi l'échelonnement? Tu dis Anta taktub, c'est l'origine. C'est toi qui écris, tu écris. Ça c'est Moudawalir. Donc c'est taktub. Voyez. Ensuite, on a dit quoi? On enlève le T. Donc ça fait quoi? Ktub. Voyez. Et comme je t'ai dit, on n'a pas le droit de commencer par Netsahakin. Donc le kef là, il n'a pas de haraka. Il est sukun. Et ça, c'est pas permis en langue arabe de commencer par une lettre comme ça. Donc on va faire quoi? Pour pouvoir prononcer le mot correctement et qu'il ait une haraka au début, on va mettre, on va instaurer ici un hamzat al-wasl. Et on va lui mettre une dhamma, parce que la deuxième lettre du verbe, elle a une dhamma. Donc on va dire uktub. Et là, tu as un verbe am qui revient à anta, mukhatab ibn zakar. Uktub, ay anta. Il dit uktub. Après, il fait pareil, il te montre le même exemple avec dakhala. Et dakhala, il est comme kataba. Ils sont tous les deux pareils. Ils ont, dans le mudawari, la deuxième lettre, elle a une dhamma. Tu dis par exemple, anta tatroul. Il y a anta tatroul. Donc ça fait quoi? Tatroul. Ensuite, on enlève le T. Ça fait troul. Et comme on a dit, on commence pas par un net saakin, donc on a mis quoi? Hamzat al-wasl. Et on va prendre dhamma, car le kha dans ce verbe, qui équivaut au ayn sur le wasl fa'ala, l'aine dhamma, donc on va dire otroul. Vous voyez? Otroul. Donc tous les verbes d'aller, tous les verbes qui sont au mudalir à la wasl, yaf'ulu, le am c'est quoi? Ofrul. Vous voyez, ofrul. Après, il donne des exemples. Première phrase, il dit okhruj min el fosli ya bashir. Sors de la classe, oh bashir. Ça, c'est pourquoi le mukhatab muzakkar, mufrad. Vous voyez, pour l'interlocuteur masculin, singulier. Deuxièmement, il dit oktub dersaka ya aliyu. Écris ton cours, oh Ali. Ozjud lillah, prosterne-toi pour Allah. Unzur li dhaka al-jabal, regarde cette montagne. Uqtul hadha al-hayata ya ammi, tue ce serpent, ô mon oncle. Utrul ya hamid, rentre, ô hamid. Ushkur rabbak, remercie ton Seigneur. Voilà, à chaque fois, c'est yashkur. Je dis remercier. Uskut ya walad, tais-toi, ô enfant. Oknous, a dit le Rulfa, balaye cette chambre. Kanasa, ça c'est Kanasa et Knousso. Mafoumada? Naam. Et également, le faire Amr, quand c'est là, le Mukhatab, Muzakar, Mufrad, le Fa'il, c'est un Damir, Mustatir, Takdiruhu, Anta. C'est toi en fait. Par exemple, quand je te dis Okhruj, Nil Fasl, en fait c'est Okhruj, Anta. Et là, il est toujours Mustatir. Quand c'est dans le Mufrad, Jam, Mufrad à fois Mukhatab, Muzakkar, jamais tu mets un ta. Et là, il y a Bashir, c'est pas le Fa'il, ça c'est un Munada. C'est un Harf Nida, il y a et Bashir Munada. Attention, c'est pas le Fa'il. Le Fa'il, il est dans Mir Moussatir. Donc, Diruhu, Anta, Ukhruj, Anta, Uktub, Anta, Uzjud, Anta, Nzur, Anta, ainsi de suite. Ensuite, il va venir quoi maintenant? Avec les mêmes démarches, mais pour le verbe à la wazm, yaf'ilu, au mudawari, celui dont la deuxième lettre a une kasra. Donc il a pris comme exemple, jalasa. Jalasa, on m'a dit à la wazm, fa'ala. Au mudawari, yajlisu. À la wazm, yaf'ilu. Donc ça fait quoi? Tu dis, anta, tajlisu. Vous voyez? Donc tu dis quoi? Tajlisu. Ensuite, on enlève le ta. Avec quoi? Jlisu. Ou jlisse plutôt, avec une secoule sur le signe. Jlisse. Et là, on doit mettre un hamza pareil pour pouvoir commencer par une lettre qui a une haraka. Donc, on a mis un hamza avec quoi? Avec une kasra, cette fois-ci. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la deuxième lettre du verbe, c'est une kasra aussi. Donc, tu vas dire ijlisse. Vous voyez? À la wazm, if'il. Donc pareil, tous les verbes qui viennent à la wazn, yaf'ilu, au mudawari, ça leur amr, leur impératif, ça va être quoi? If'il. Vous voyez, ça va être if'il. Il donne un autre exemple en dessous, avec rasala yarsilu, qui veut dire laver. Anta tarsilu, toi tu laves. Tarsil, tu laves. On enlève le t, ça fait quoi? Irsil. Vous voyez? Et là, donc on doit rajouter un hamzat al-wasl, ça fait quoi? Irsil. Parce que le sim là, qui est le aïn du verbe, il a pris une kasra. Donc le hamza il a pris une kasra, irsil. Ensuite, il donne des exemples d'autres verbes à la wazn fa'ala yaf'ilu yaf'il. Comme par exemple, première phrase, ijlis huna ya bilalu. Assieds-toi ici au bilal. Deuxièmement, irsil wajhaka bi sabun. Lave ton visage avec le savon. Irjir bat sa'atin. Reviens dans une heure. Rabian, inzil, min sayyarati ya akhi. Descends de la voiture, ô mon frère. Khamisan, qalallahu ta'ala li Moussa alayhi salam, idrib bi'asak al-hajar. Frappe de ton bâton la pierre, ou frappe la pierre de ton bâton. Taïb, drabaya dribou, qui veut dire frapper. Idrib. Afoumada ? Non. Donc, comme on a dit, le verbe moudalir, le fi'l moudalir, quand il vient à la wazn, sur la mesure, yaf'ilou, son homme, il va être sur la mesure, if'il. Pour le mukhatab, muzakar, mufrad. Anta. Et on est toujours sur Anta, on n'a pas changé pour l'instant. Toujours avec Anta. Après, avec les autres, on va voir comment on fait. Maintenant, troisième forme de verbe, celui qui est à la wazn, fa'ala, au mardi, yaf'alu, au mudalir, comme zahaba, yadhabu. Donc, celui-là, comment on fait? Tu dis Anta, tazhabu. Toi, tu vas. Donc, ça fait quoi? Tazhab. Ensuite, on enlève le ta du mudalir, ça fait zhab. Enfin, attention, maintenant, on ne va pas dire azhab. On reste avec une kasra. Si le aïn du fir, c'est-à-dire la deuxième lettre du verbe, elle a une fatha, alors le hamza, il va prendre une kasra. Le hamza, il a deux choses. Dans les verbes comme celui-ci, dans le verbe à l'impératif, hormis le verbe qui a quatre lettres, ça viendra plus tard, le roba'i, l'origine, c'est qu'il est ou avec une kasra ou une dhamma. Et le plus, c'est la kasra. La dhamma avec dans un seul cas, quand le aïn du verbe est une dhamma, le hamza prend une dhamma. Et tout le reste, c'est kasra, tout le temps. Prends-le comme règle. Vous voyez ? Hormis lorsqu'il a une dhamma en deuxième lettre, le hamza que tu rajoutes au fil au début, il prend tout en kasra. Avec une fatha en deuxième lettre, ou une kasra en deuxième lettre, il va prendre une kasra. Donc il n'y a pas adhab. Vous voyez ? Donc ça veut dire quoi ? Que le verbe moudalir qui est la wazn yaf'alou, son homme c'est quoi ? À la wazn if'al. Taïeb, if'al. Comme zahaba, izhab. Ensuite il a pris un deuxième exemple. Anta taftahou, min al-fi'l fataha, ouvrir. Fataha, donc tu dis anta taftahou, tu ouvres. Taftahou, ensuite on enlève le t, ça fait ftah. Et là on rajoute le hamdat al-wasl avec une kasra, on dit iftah. Ouvre. Taïeb, iftah. Ensuite, les exemples qu'il donne, c'est iftah, kitabaka ya Ibrahim. Ouvre ton livre, ô Ibrahim. Deuxièmement, irfas darsaka, mémorise ton cours. Ikra hada darsa, lis ce cours. Izhab lil masjid, va au masjid. Irkab darrajatak. Taïeb, monte sur ta moto ou ton vélo. Ilhab ma urtika ya Ismail. Joue avec ta sœur ou Ismail. سابعا اشرب ماء باردا من شرب يشرب طيب bois de l'eau froide ça veut dire c'est bois de l'eau froide. ثامنا اين مكتب البريد يا اخي où est la poste mon frère انا لا ادري il dit moi je ne sais pas درا يدري c'est verbe مضارع qui veut dire savoir je ne sais pas après la question c'est اسأل ذاك الرجل interroge cet homme. Min sa'ala yas'alu. Tu dis l'homme is'al. Et tu peux dire aussi sel. Il y a deux formes. Celui-là, c'est particulier. Tu peux dire is'al, tu peux dire sel. Non. Ensuite, il dit ana rajulun ghalibun. Je suis une personne étrangère. C'est pour ça qu'il dit qu'il monte sur la poste. Parce que lui, il n'est pas du lieu. Vous voyez ? La ghalib. Ghalib, ça pourrait dire quoi ? Ça peut être une personne bizarre, étrange. Ça peut être aussi un étranger, du sens qui n'est pas du lieu. Vous voyez, le djem, c'est Rouraba. Tassian, irfa ra'sak. Lève ta tête. Min rafa yarfa'u. Levé. Ashiran, irfa sautek. Monte ta voix. Lève ta voix. Dans le sens monter le volume. Saute, c'est la voix. Ça peut être aussi un bruit. Saute, on peut traduire par un bruit, un son. Et ça peut être aussi quoi ? Saute, c'est la voix. Hadi Achar. Quand Allah Ta'ala fait le Coran, Allah dit dans le Coran : Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Il dit donc dans le sens relatif et rapproché, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc là, le shahid, c'est quoi? Ikra. Taïeb, ikra. De kara'a yakra'u. Sani achar, quand Allah ta'ala li Moussa alayhi salam, donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam, dans le sens relatif et rapproché, idhab ila fil'aoun. Va à fil'aoun. Taïeb, va à fil'aoun. Donc là, le shahid, c'est idhab. Ensuite, le verset, il dit, idhab anta wa akhouka. Va, toi ainsi que ton frère. Va, toi ainsi que ton frère. Et attention là dans Izab Anta wa Akhuka, le Anta là c'est pas un fa'il. Même si tu vois comme ça, en apparence c'est pas un fa'il. C'est un tawkid pour appuyer à qui tu parles. Si je disais va, toi. Voyez, mais en vrai c'est pas un fa'il. Ça s'appelle un tawkid, Inch'Allah tu verras plus tard comment on fait. Souvent tu vas le voir dans les verbes, tu vois le verbe qui vient et après tu vois un domir, mon français qui vient derrière. Par exemple, Adhabu Ana il me dit, c'est je vais moi. C'est une façon d'affirmer le sujet en fait. C'est pas forcément le sujet lui-même. Maintenant, il va te donner quoi? Comment faire le Am d'un fi'l mahmouz? Le fi'l mahmouz, c'est le verbe qui a un hamza parmi ses lettres. Et tout particulièrement celui-là, celui qui a un hamza en premier. C'est-à-dire le fait du fi'l, de fa'ala, c'est un hamza. Comme akala, akhada. Donc, par exemple, akala, qui veut dire manger, tu dis anta ta'koul. Voyez, à la waz taf'ul, ta'koul, à la waz taf'ul. Donc là, le am, comment il va être? On enlève le ta et on ne met pas de hamza. Et la dhamma vient sur le ayn, sur la deuxième lettre du verbe qui est le kef. Tu dis quoi? Koul. Comme ça, on fait. À la waz, ul. En fait, le fait, on l'a enlevé. La première lettre du verbe, on l'a enlevé. Le hamza, à la base, c'est le fait, dans fa'ala. On a gardé quoi là? Le Aïn et le Lem. C'est le Kief et le Lem de Akala. Ça fait quoi? Kul. À la wazn, ul. Quand même, à la wazn, ul. Sur la mesure, ul. Pareillement, Anta ta'khuzu. Toi, tu prends. Min akhaza ya'khuzu. Qui veut dire prendre. Et bien, lui, on va faire pareil avec lui que comme Akala. Tu vas dire, Am, khuz. À la wazn, ul. On enlevait le fer. Et on a mis la Dhamma sur le Aïn directement. Vous voyez, Ul, à la waz, Ul, Khuz. Donc maintenant, il va vouloir, c'est. Et le Mahmouz, il y a d'autres catégories. Là, c'est le Mahmouz, donc, le fait, c'est un Hamza. La première, c'est un Hamza. Après, tu as le Mahmouz, où le fait, où le Aïn, c'est un Hamza. Et tu as le Mahmouz, où c'est le Lem qui est un Hamza. C'est-à-dire, le Hamza, il vient ou en deuxième ou en troisième. Là, c'est celui où. Le Hamza il vient en premier. Donc c'est pas tous ceux qui ont Hamza qui se conjuguent comme ça. Là c'est pour celui qui a Hamza, c'est son fait, c'est sa première lettre. Attention. C'est pas rien qui fait tous les Mahmouz, on fait comme ça avec eux. D'ailleurs, tu as eu l'exemple, Sa'ala. Qui veut dire questionner, interroger. Sa'ala, c'est un sin, un Hamza et un Lem. Comme on a dit, Is'el. Vous voyez? Il se conjugue comme Idhab. Pourquoi est-ce que le Hamza, là, c'est le Aïn, qui est au milieu du. C'est la deuxième lettre du verbe. طبعا منو فا إن شاء الله متفاتيك ربي أن يقول سو فاسون الأمر من الأفعال الآتية donc toi tu dois faire quoi tu dois façonner trouver le l'impératif des verbes suivants مثلا المودي قتلا qui veut dire tuer المدولي يقتل الأمر c'est quoi يقتل أحسنت ذهب qui veut dire aller يذهب c'est quoi l'أمر Idhab. Idhab. Va-t'en. Ou va. Jalassa, qui veut dire s'asseoir, yajlisou. C'est quoi l'homme? Ijlis. Fahima, yafhamou, qui veut dire comprendre. L'homme? Ifham. À la wazn, ifhal. Hafiza, yahfazou, qui veut dire mémoriser. L'homme? Yahfaz. À la wazn, idhab. Ifhal, la fois. Sajada, yasjudou, se prosterner. L'homme? Ouzjud. À la wazn, Tuf'ul. Raka'a yarka'u. Qui veut dire s'incliner. L'homme. Irka'a. À la wazn. If'al. Shakara yashkuru. Qui veut dire remercier. L'homme. Ushkur. Ushkur. طيب سامعة يسمعو كي يدير أنتون اسمع اسمع على وزن يفعل رافع يرفعو كي يدير لوفي يرفع على وزن يفعل درس يدرسو كي يدير يتدي أدرس على وزن أفعل علم يعلم كي يدير سوا يعلم على وزن يفعل شرب يشرب كي يدير بوا يشرب على وزن يفعل خلق أو عفوا حلق يحلق كي يدي غازي على وزن يحلق على وزن يفعل ويحلق يحلق كسر يكسر كي يدي كاسي يكسر غسل يغسل كي يدي لافي يغسل طبخ يطبخ كي يدي كوزيني يطبخ يطبخ قطع يقطع كي veut dire couper يقطع جمع يجمع كي veut dire rassembler regrouper اجمع على وزن فعل عبد يعبد كي veut dire adorer يعبد على وزن افعل نزل ينزل كي veut dire descendre انزل على وزن افعل عرف يعرف كي veut dire connaître يعرف نعم على وزن افعل اكل ياكل qui veut dire manger. Cool. Nam. À la wazn. Ul. Ul. Nam. Fa'ala yaf'alu. Qui veut dire faire. Ifal. Ifal. À la wazn ifal. Ça, c'est lui le verbe d'origine. Fataha yaftahu. Qui veut dire ouvrir. Iftah. Iftah. À la wazn ifal. Daraba yadribu. Qui veut dire frapper. Idrib. À la wazn ifal. Kataba yaktubu. Qui veut dire écrire. Uktub. Uktub. À la wazn ufal. Sa'ala yas'alu, qui veut dire questionner, interroger. Is'al. Nam, à la wazn if'al. Mana'a yamna'u, qui veut dire empêcher, interdire. Imna'a. À la wazn if'al, nam. Dhahika yadhaku, qui veut dire rigoler. Idhak. Idhak, à la wazn if'al. Rakiba yarkabu, qui veut dire monter, embarquer. Irkab. Irkab, à la wazn if'al. Akhaza ya'khudhu, qui veut dire prendre. Khud. Khud, à la wazn ul. Donc là, il te dit Hamzatul Wasli, Hamzatul Amr, Hamzatul Wasl. Fala tuktabu fuqaha au tahta arama al-Hamza Hamza al-Qata. Hamza al-Qata, c'est celle qui a la tête d'Aïn au-dessus d'elle. Illa filfir al-Ruba'i, hormis dans le verbe à 4 lettres. Et tout ce qui est pas verbe à 4 lettres, c'est Hamzatul Wasl. C'est même comme on a dit que dans Ism, Ibn, et ainsi de suite, ou dans Alif Al-Lam. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand on a fait l'Am, il y a le Sukun, et que derrière, il vient Alif Al-Lam, on a deux lettres Sakin maintenant qui viennent. On fait comment? On fait comme avec le Ta'anis Sakina. Quand tu dis Zahabat Al-Bint, comme on dit quand on lit, quand on fait la liaison. Et bien là, on va faire pareil. Quand on a fait un homme, taïeb, qui est une soukoun, et qui derrière un lifolem, on va mettre une kafra pour qu'on puisse faire la lésion entre les deux mots. Il dit, ta'amel mayali, mais dites ce qui suit. Masalen, oktoub adersa. Écris le cours. Quand on fait la lésion, on dit quoi? Oktoub adersa. On met une kafra sur le bain. Et cette kafra-là, on a juste, c'est quoi? Il dit quoi, sakinein? C'est pour la rencontre de deux lettres qui n'ont pas de harakat. Mais à la base, c'est une soukoun. Ikra'id Qur'ana. Taïeb, ikra'id Qur'ana. Mais le Qur'an. Ishrabil kahwa. Bois le café. Il'abil al-an. Joue maintenant. Ou il'abil al-an. Ou al-an. Joue maintenant. Oktoub. Yahamid Oktoub. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. On a dit Oktoub. Taïeb. Ensuite, on dit quoi? Ya Hamid Oktoub. Mais si on fait la liaison, Aïwa, il tombe. Donc tu dis Ya Hamid Oktoub. Tu vois? Comme dans Masmouk. Le Hamza, il tombe. Ijlis, par exemple, tu viens t'asseoir. Toi, maintenant, quand tu fais la liaison et tu mets un Waou, par exemple, devant, tu vas dire comme là, il met Outroul, Wajlis. Tu ne vas pas dire Wa Ijlis. Tu vas dire Outroul, Wajlis. Entre et assieds-toi. Ifham, comprends? قَالَ لِي أَبِي فَهَمْ. Mon père m'a dit, comprends. Et si tu t'arrêtes, tu dis, قَالَ لِي أَبِي فَهَمْ. Ifham. Et si tu fais la liaison, tu dis qu'on a dit Abifham. Non. Comme on a pris dans le kitab Awel les règles de lecture avec le Hamdat al-Wasl. Il dit Ikra Mayali Mura'iyan Kawaid Nutk Hamdat al-Wasl. Vakawaid Nutk l'Huruf al-Harf al-Sakin Indama Yali Alif al-Lam. Donc il dit lis ce qui suit en respectant les règles de prononciation du Hamdat al-Wasl et celles de, des lettres qui n'ont pas de harakat. Lorsque Alif Olam vient derrière. Tfadal, Jumal Oula. Kul washrub. Nam, mange et bois. Kul washrub. Thanian. Iqra'ul darsa wafham. Nam. Lis le cours et comprends-le. Ifhamo. Thalithan. Iqra waktub. Nam. Lis et écris. Rabian. اخرج ولعب نعم سوق اجو خامسا اذهب الان وارجع بعد ثلاثه بعد ثلث ساعه نعم pars maintenant et reviens dans 20 minutes ثلث on a dit quoi c'est un tiers سادسا افتحي المذياع واسمع واسمع الاخبار نعم ouvre la radio allume la radio plutôt et écoute les informations خذ هذه الحقيبه وافتحها وافتحها وافتحها نعم prends cette valise et ouvre la ثامنا اذهب الى المدير واساله نعم va chez le directeur et interroge-le تاسعاً خذ الكوب كوب خذ الكوب كوب الكوب ايوه يبقى فتحه تاع الفتحه خذ الكوب واغسله نعم prends le verre et lave-le verre ou gobelet ou tout ce par quoi on boit عاشرا قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوه خذ الكتاب بقوة. نعم. دونك الله سبحانه وتعالى دي يحيى عليه السلام في سورة مريم. أو يحيى prends le livre avec force. Détermination. أحد عشر. وقال الله تعالى لآدم عليه السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك وزوجك الجنة. نعم. دونك الله سبحانه وتعالى دي آدم عليه السلام. Traduction relative approchée. أو آدم habite-toi ainsi que ta femme dans le paradis. Et là, comme je te l'ai dit, regarde, tu as une preuve qu'à la base, dans le Coran, on peut dire Zouj même pour la femme. Skun anta wa Zoujuka. Ma kole Zoujuka. Zoujuka. Qui revient à Hawa. Naam. Tayyib, hada, kulu ma khasna al-ain yata'allaq bi al-mukhatab, al-muzakkar, al-mufrad. C'est ce qui se rapporte à l'interlocuteur masculin singulier. Maintenant, on va prendre comment on fait avec les autres personnes. Tayyib, les autres, dans maïa, les autres sujets. Il dit Ikra Mayali. Lis ce qui suit. On dit Ya Hamidou Zhab. Ou Hamid, par. Va. Là, c'est pourquoi Al-Mukhatab, Al-Muzakar, Al-Mufrad. Et il est où le fa'il Damirun, Mustatirun, Takdiruhu, Anta. Maintenant, on va faire comment avec Antum pour donner un ordre. Vous voyez, à des gens, des hommes plutôt, masculins. Tu veux dire quoi يا إخوانو اذهبوا دونك لهم إيكوا واو جماعة أي أنتم اذهبوا En fait, t'as vu comme on a fait pour Anta au début, c'est en fait par exemple avec Dakhala, c'est Anta tadkhulu. Après, on enlève le T, on a mis Hamza. Là, c'est pareil. Antum tadhabuna, on enlève le T, et après, on met Hamza, ça fait quoi اذهبوا. Et on enlève le Noun aussi, le tadhabuna. Le Noun, on enlève aussi. Après, dans les coutumes de Sarah, Inch'Allah, ils t'expliqueront bien en détail pourquoi. L'acheminement de la chose, comment c'est arrivé à ce stade-là. Maintenant, c'est quoi Al-Mukhatab, Al-Mufrad, Al-Mu'annas. Ya Aminatu, Izhabi. Donc là, on remet le même ya que Tadhabina. C'est le même ya. Ya Al-Mu'annas, Al-Mukhatab. Quand on fait la liaison, on dit « Ya'aminatu zhabi ». Si on s'arrête, « Ya'aminatu izhabi ». Voyez, avec le « ya ». Et le fa'il, il est où là? C'est le « ya ». Comme dans « izhabu », le fa'il, c'est le « waou ». Et maintenant, pour le « mukhatab al-jam al-muannas », pour l'interlocuteur pluriel féminin, tu dis « Ya khawatu izhabna ». Ou les sœurs, allez, par exemple. Donc là, on a mis quoi à la fin? Noun et niswa. C'est les mêmes d'ailleurs qui reviennent, toujours. Vous voyez, c'est toujours les mêmes, il n'y a pas de d'ailleurs nouveau. Et c'est le fa'il, pareil. Tu dis izhabna, antunna. Izhabu, et antum. Izhabi, anti. Izhab, anta. Comment tu dis Nahnou? Un ordre pour nous. Il y a une façon de faire, mais c'est pas celle-là. C'est avec l'aim al-amr. C'est une lettre qu'il faut rajouter, ça va dans le jawazim. Donc là, à la base, l'amr, c'est pourquoi c'est pour, à la base, c'est un interlocuteur. Tu vois, une personne à qui tu parles. Après, bien, avec des exemples. Il dit Ya yuat tullabu, utrulul fosla wa jlisu wa ktubu dersa. Ô vous, les étudiants, entrez dans la classe, asseyez-vous et écrivez le cours. Donc là, dans chaque verbe, on a mis waou jamaa. Utrulu, entrez. Wajlisu, et asseyez-vous. Waktubu, et écrivez. Thanyan. Ukhruji ya bint wal abi ma ukhtik. Donc sors, ô fille, et joue avec ta sœur. Donc là, c'est quoi? Ukhruji, ay anti. Wal abi, ay anti. Thalithan. Kulu washrabu, mangez et buvez. Vous voyez? Donc, kulu antum, washrabu antum. Rabi'an, ishrabna al-kahwata ya akhawati. Buvez le café aux mes sœurs. Donc, le chahit, c'est ishrabna ay antunna, al-akhawat. Khamisan. Ah, regarde celui-là. Il vient du fir. Quand on dit à quelqu'un, Ta'al. Vous voyez, à l'origine, le verbe c'est Ta'ala avec un Akada. Akada. Attention, c'est pas le même verbe que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un autre. Vous voyez, et ce verbe-là, Ta'al, pour y revenir, c'est un verbe jamid qui n'utilise que au homme. On l'utilise que pour un fier homme. Il n'y a pas de. On l'utilise pas, on m'en dit, ni on doit aller. Donc, quand tu parles à un homme, pour dire de venir, tu dis Ta'al. Akada. Ta'al. À la base, c'est une fatha, mais quand tu t'arrêtes, tu ne prononces pas. Mais à la base, c'est Ta'ala. Mais quand tu t'arrêtes, tu dis Ta'al. Pour dire viens. Quand tu as mis une case. Akada. Ta'al. Quand c'est qu'une femme, et bien, on va faire quoi là? On va ajouter Ya. Ya. Tu veux dire quoi? Ta'alei. Attention. C'est pas ta'ali, ça c'est khata. Beaucoup de gens disent ta'ali. Non, c'est ta'alei. La fatha reste. Ta'alei. Ya Fatima. Viens au Fatima. Quand on parle à une femme. Et pareillement. Pour rester, c'est pareil. Pour un toum à des hommes, tu veux dire comment? Ta'alou. Ta'alaou, la fatha elle reste. Tu dis ta'alaou, ya ikhwan, venez mes frères. Et quand c'est des sœurs, dire quoi? Je parle pas aux sœurs. Ah, tu peux avoir des sœurs à la maison, où t'as 4 femmes, ah. Mashallah, tu vas dire de venir. Tu veux faire comment? Ta'alna. Attention, là, celui-là, il prend une seconde. Attention, tu veux dire, Ya Khawat Ta'alna. Akada. Pour qu'on se coule, fais que tout le sens, Inch'Allah. Il se peut faire, tu sais maintenant, Ta'al, comment on utilise pour les personnes. Ta'al, Anta, Ta'alei, Anti, Ta'alou, Antoum, Antoum, moi, Ta'alna, Antunna. Tu veux dire, viens. Donc, il dit quoi? Ta'alei, Ya Aminatu, Waftahil Nawafiz. Donc, viens, ou Amina. Et ouvre les fenêtres. Sadisan. Irsilu wujuhakum wa aidiyakum. Lavez vos visages ainsi que vos mains. Sabi'an, Urbudna Allah wasjudna lahu. Donc là, tu parles à qui des femmes? Antunna. Et Urbudna Allah, Antunna. Adorez Allah, vous les femmes. Wasjudna lahu. Et prosternez-vous pour lui. Et là, tu t'adresses à qui? À des sœurs, à des femmes. Dans le halal. Ou même dans. Tu peux faire une nasiha à des femmes. Tant que tu es mahmoud de minute fitna. Hein? Tu es préservé quoi? Tu peux faire quoi? C'est demain une femme a fait le fourreau. Tu peux pas faire le. Amn marlouf, on a les mots de car. Non, c'est une femme, je dis rien et tout. Non, si à mi-temps tu es préservé, il n'y a pas de problème, il faut l'interdire. Tu vois, il faut l'interdire. C'est pas ma haramout la quand de parler d'une femme. C'est, elle est chaude l'autre. L'origine, non, il ne faut pas, mais des fois, il faut. Des fois, même, c'est obligatoire de lui parler. Taïeb. Malakoulin, yirtilet, haram. Voilà, la vue, un peu photo. Quand les gens peuvent dire, Khalil, regarde, il a des chouettes, il dit que. Yirtilet, et puis torsil. Il n'y a pas de torsil, yirtilet. Pas de torsil. Mais il y a des cas, c'est clair que, dans le roi ou quoi, tu peux parler d'une femme, mais il y a des choses autres, il y a des conditions. Taïeb. Thaminan. Il a abou, bad ders. Jouer après le cours. Donc là, c'est il a abou. Taïeb, un tom. Tassian. Khouzi kitabaki yasu'ad. Donc là, le shaykh c'est Khouzi anti. Prends ton livre au Su'ad. Ashiran. قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqara, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et celui il est ceux d'avant vous. Donc là le shahib c'est اعبدوا ربكم. Et il dit hada achar وقال في سورة الحج يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. Donc il dit ô vous qui avez cru, inclinez-vous, rak'a'u c'est inclinez-vous, wasjudu prosternez-vous, wa'budu rabbakum et adorez votre Seigneur, wa'falu khayr et faites le bien. Tamam. Maintenant dans Fahamin, c'est à toi maintenant de mettre les verbes qui correspondent dans les trous, inchallah. C'est cool. Sour fil foror fil mayali ou d'or à fond, c'est pas ça, min wasa. C'est d'or, min wada, maître, posé. D'or fil foror fil mayali fil amrin munasaban. Donc mets dans les trous un fil, un impératif, un verbe impératif qui correspond. Et je mets où là? Féminin et masculin, c'est pareil. Là. Iqra'i al-Qur'an ya Maryam. Non. Iqra'i al-Qur'an ya Maryam. Mais en fait, quand tu as. Parmi les règles de lecture, quand tu as un harf med, comme le waw, ou le alif, ou le ya, et qu'après tu as un alif ou lem, il n'y a pas de med. Tu ne dis pas ça, Iqra'i al-Qur'an. Tu lis normalement en fait. Ça, c'est parmi les règles que tu apprends quand tu lis. Quand tu as Ahmed, Haf Med, et d'ailleurs tu as un livre Lem, tu fais pas une prolongation. Taïeb, pas de prolongation. Taïeb, Thanian. Ya Aulad, Kulul Khubz, Washrubu, Kawata. Non. Oh les enfants, mangez le pain et buvez le café. Thalithan. Ukhruj min al-fasli ya Moussa. Non. Sors de la classe, oh Moussa. Rabian. Regarde bien de dormir, c'est quoi? Ursilna. Ir. Ursilna. Wajhakunna. Wajhakna. Ujou. Ujou. Ujouhakna. Ujouhakunna. Ujouhakunna. Wa aidiakunna. Bisabouni. Donc là, il s'exprime à des femmes. Il dit lavez vos visages ainsi que vos mains avec du savon. Khami. Khamisan. Ursil ra'asak. Bissabon, bil mous. Non, non, moussa. Non, bil moussa. La moussa, c'est la moussa. Ihliq ra'sak bil mous. Moussa. Bil moussa. Moussa, ça c'est au bled. Fossa, il y a un alif. Moussa. Comme le. Ism le Nabi. C'est écrit pareil. Moussa. Sauf que là, c'est un rasoir. Donc, rase ta tête. Avec le rasoir. Non. Ça dit ça. Oktul hadihi al-aqrab ya abi. Non. tue ce scorpion ou mon père. Sabian. قال خالد. خالد. قال خالد لزميله. زميله. لزميله زكريا. ما معنى هذه الكلمة؟ قال زكريا أنا لا أدري. اسأل. أنا لا أدري. اسأل المدرسة. نعم. قال خالد لزميله زكريا. donc خالد a dit à son camarade زكريا ما معنى هذه الكلمة؟ que veut dire ce mot؟ قال زكريا. زكريا a dit أنا لا أدري. il dit je ne sais pas. moi je ne sais pas. اسأل المدرس. interroge le professeur. ثامنا. Est-ce qu'on peut mettre Iqta'i? Non, c'est exactement ça. Iqta'i l'lahm bidak al-sikkin al-hadda al-haddi. Là. Non. Al-haddi ya Khadija. Ya Khadija. Ya Khadija. Donc, coupe la viande, cette viande, avec le couteau aiguisé au Khadija. Non. Iqta'i. Tasi'an. Uktub bismuka. اكتب اسمك اسمك اكتب اسمك اكتب اسمك اكتب اسمك على الدفتر على دفترك يا عبد الرحمن نعم اكتب ton nom sur ton cahier او عبد الرحمن قالت المدرسة للطالبات للطالبات اذهبون الآن إلى طالبات سيدي فمينة مخاطب مؤنث اذهبنا ذهبنا الآن إلى المكتبة وقرأنا الصحف والمجلات ثم رجعنا إلى الفصل بعد نصف الساعة. donc مدرسة دي aux étudiantes allez maintenant à la bibliothèque et ikra'na, lisez les journaux et les magazines. Yaritaha qalat ikra'a ikra'na al-Bukhari wa Muslim wa Madari tafsir la suhuf majallat. Thumma irji'na, retournez ila al-fasli ba'd nisaa'a, et retournez en classe après une demi-heure. Hadi 10. Ya Ammar منديلك منديلك منديلك واسخ جدا واسخ واسخ جدا واسخ ايوه ما في مد واسخ جدا فاغسله نعم او عمار ton mouchoir ou ta serviette c'est ton mouchoir est très sale alors lave-le. Et là quand on dit le fa, attention c'est une lettre qui veut dire alors à ce moment-là. Alors donc il dit ta amem ayali. Mais dites ceux qui suivent. El fi'lu aqsam ul fi'li thalatha. Les catégories de verbes sont les trois. Attention, il n'a pas dit les temps. Il a dit les aqsam. C'est-à-dire qism qui veut dire catégorie. Mardin, passé. Wa mudawali', présent. Wa amrun, impératif. Nahu, zahaba, yazhabu, idhab. Mais s'il avait parlé de temps, il y a combien de temps le verbe? ثلاثة. ماضي. مضارع. مستقبل. سوف كل مستقبل. en fait on met dans le مضارع. parce que c'est les mêmes règles. qu'on rajoute ça ou ça ou fait. mais quand on dit aqsam, c'est les catégories de verbes. et là c'est comme il a dit, c'est le passé, le présent et l'impératif. مفهوم هذا؟ نعم. et ça c'est une faïda pour le fi'l amr, l'impératif. c'est une formule que l'on emploie pour désirer une chose d'une personne ou qu'il continue ce sur quoi il est. Par exemple, elle aime, par exemple, t'écris, moi je dis Isma, quel ami, écoute ce que je dis, ma parole. Là, c'est un faire l'impératif pour que tu fasses maintenant ce que tu ne faisais pas avant. Mais par contre, tu peux aussi être en train d'écouter ce que je dis Isma, c'est-à-dire continuer à écouter. Tu vois, continue comme la preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Tayyib, voilà tout dit à kafirin ou munafiqin. Donc, oh, toi le prophète, crains Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas déjà Allah auparavant? Il le connaît déjà avant. Ça lui dit quoi en fait? Continue dans la taqwa. Tayyib, continue à craindre Allah. Donc, le verbe impératif, on peut aussi s'en servir pour une chose qui est déjà en cours pour qu'elle elle continue. Par exemple, là, tu verras, Inch'Allah, dans le Kutub de Nahu, ils vont te le dire. C'est important, quand tu feras Usul al-Fiqh, par exemple, c'est des trucs qui sont très importants. Savoir le Amr, c'est quoi, le Nahi, c'est quoi, ainsi de suite. Car le Usul al-Fiqh, parmi ses piliers, la langue arabe. Celui qui n'a pas la langue arabe, Usul al-Fiqh, il va pas vraiment pouvoir gérer. Voyez, maintenant il dit quoi? Al-Kalimat al-Jadida, les nouveaux mots. Akraboun, Jem, Akarim, Scorpion. Voyez, Narsan, ou son moine, c'est Narsa. Et son djem, c'est quoi? Son djem? Aïe, ouais. Alawaz, Yael, comme Rodban, Ridob. Alawaz, Yael. Yael, Arsen, qui veut dire piqué du nez. Commence à s'endormir. Yad, djem, Aïdin. Et quand on met les fois l'em, c'est El Aïdi. C'est qui veut dire la main. Et Yad, ça peut être la main toute seule. Comme ça peut être tout l'avant-bras, même tout le bras. On a, ça dépend de ce qui vient derrière. Vous voyez, ça peut venir sur la main toute seule. Souvent, la main toute seule, c'est Kef aussi, qui peut être aussi la paume. Et Yad, ça peut être jusqu'à l'avant-bras. Et ça peut être tout le bras entier. D'ailleurs, c'est là une masala quand les, on a mis en livre pour le fait de voler. Quand les, on se prendra là, As-salikou, faqt'ou, aïdiaouma. Vous voyez, et en langue arabe, si la main peut aller jusqu'ici, ils ont dit, mais c'est d'où on coupe la main? Est-ce que c'est avant le poignet? Après le poignet, au coude, ainsi de suite. Après, il y a une autre masala qui vient, d'où? Parce que s'il y avait la main, c'est juste ça, le problème, il serait déjà réglé. Mais ils savent que la main, ça peut être plus que le... cette partie que nous, on a. Nous, chez nous, la main en français, c'est la main. Mais en arabe, ça peut être l'avant-bras et tout le bras entier. Non. Adiyakoum, il est le mulfaq, jusqu'au coude. Il précise. Tu vois? S'il n'est pas précisé, ça prouve que quoi? Il est le mulfaq, c'est-à-dire que là, c'est tout l'avant-bras qu'il veut dire. Non. Et Rij, c'est pareil. Vous voyez? Warsilu Arjulakum, il est Karbein. Rij, son pluriel, c'est Arjul. Qui veut dire, à la base, jambe. Rij, ça peut être aussi le pied. La preuve, Arjulakum, il est Karbein. Ça veut dire quoi? Il s'arrête aux chevilles. Nam. Ça, c'est des expressions qui sont très précises. Donc, il faut faire attention. Voyez? Mizyaun, c'est. La radio, l'appareil en lui-même, c'est l'appareil en lui-même. Il y a un émetteur radio. Moussa, là c'est le rasoir. Taïeb, c'est le rasoir. Nazara, Yanzuru, qui veut dire regarder. Taïeb. Et souvent tu mets il est derrière Harfoujar. Anzuru, il est kada. Je regarde les kada. Tabakha, yadbukhu, cuisiner. Abada, yabudu, adorer. Mana'a yamna'u, interdire ou empêcher. Thumma yakul, hiza'un jam ahziyatun. Ça c'est chaussure. Toyeb, hiza' c'est chaussure. Koub jam akweb. Ça c'est un verre, une tasse, un gobelet. Zawj, comme il regarde, lui-même le précise, il muzakkar ou muannas. C'est un mot qui est mixte. Pour l'homme comme pour la femme. Mais souvent aujourd'hui, on va dire Zouj pour Rajoul, ou Zoujah, il mora. Joe, c'est le temps. Vous voyez, le temps extérieur. Muslim, c'est sombre. Muslim, c'est sombre. Sakata yaskutu, ça c'est se taire. Kata'a yakta'u, ça c'est coupé. Alima ya'lamu, ça c'est savoir. Aza ya'ouzu. C'est quoi ça? Aza ya'ouzu. A'ouzu billahi minash-shaytanir rajim. C'est rechercher refuge. Vous voyez? Chercher refuge. Jenna, jam jennat. Des jardins, et aussi on l'emploie pour le paradis. Saut, jam aswad. Ça peut être les voix et tout ce qui est bruit aussi. Gharib, jam ghuraba, là c'est l'étranger. طيب celui qui n'est pas du Dieu. Et ça peut aussi غريب, quelqu'un bizarre. C'est un rajoul غريب جدا. Celui il est bizarre lui. Kanasa yaknusu, balayer. Jama'a yajma'u, rassembler, regrouper. Wa halaqa yahliku, raser. Donc bihamdillah, aujourd'hui on a appris comment faire un fi'l amr. Voyez, toutes les personnes, pour un verbe soulasi. Un verbe à trois lettres, voyez, mujarrad, trois lettres d'origine, et qu'il n'y a pas de harf illa, et qu'il n'y a pas de trucs qui viendront plus tard. Le, on va dire, c'est le verbe d'origine. Et bien, tu n'as pas de devoir, alhamdoulilah. Sache qu'en tout cas, ce livre. Si j'ai un deux, hein, allez, non. Ouais, mais ça, j'en ai dit, ça. C'est même devenu ada, tu vois. Et je vais dire quoi? Attention par rapport à ce livre, sache que ce livre-là, c'est surtout sur les arkem, les règles. Tu vas pas prendre beaucoup de vocabulaire avec le Kutub de Médine, c'est surtout les règles. Tu vois? C'est-à-dire, celui qui veut vraiment parler avoir du vocabulaire, ce livre-là ne va pas le suffire. Il faut lire dans le Tarbir, il faut lire dans plein de Kutub, mais ça, c'est les règles. Parce que dans la langue arabe, il y a plusieurs sciences. T'as le Nahou, ce qu'on fait là actuellement, c'est la grammaire. T'as le Sarf, ce qu'on fait aussi actuellement, changement des mots. T'as le Balara, c'est l'éloquence. T'as l'Imla, c'est l'écriture. C'est-à-dire les règles d'écriture, l'orthographe, on va dire. T'as le khot, c'est l'écriture en elle-même. T'as le tarbir, expression orale. T'as plein de trucs, tu vois. Et ça, là-dedans, le tarbir, il est faible. L'expression orale, elle est faible. Et t'as des kutub khos pour le tarbir. Pour apprendre du vocabulaire. Plein de mots, comment façonner des phrases. Donc là, faut pas se méprendre. Le kitab Médine, c'est surtout pour apprendre les arcan. Maintenant, tu veux parler, faire des longues phrases, c'est pas avec ça que tu vas arriver. Alors, ça, c'est avec le temps aussi, au fur et à mesure, la lecture, écouter les cassettes. Et akada. Ma foumadadars. Non, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alameen.